La 27e exposition nationale des articles de consommation courante est ouverte le 7 novembre au Centre des échantillons de produits de l'industrie légère à Pyongyang. Y ont figuré des cadres intéressés, des fonctionnaires, scientifiques, techniciens et ouvriers des unités de production des articles de consommation courante de la capitale et des provinces. Y sont présentés plus de 100 000 articles de consommation courante comme chaussures, costumes de confection et denrées alimentaires produits par des usines de l'industrie légère de tout le pays, ainsi que des unités de production des articles indispensables à la vie des usines relevant des ministères, des établissements centraux. Pendant l'exposition, il y aura plusieurs estimations et cours pour la vulgarisation de nouvelles techniques.